Et moto en avola motuka, yine kolo motuka. Pierrot Leblanc, Etiol de Mbandaka, Adel Djoko Babou Danzé, et je ne m'accrois. L'amour n'est pas une science pour l'étudier, afin de le comprendre et de devenir expert en love. Jusque-là, même les sages de ce monde ont pas eu le temps de comprendre la profondeur de l'amour. Alex, faut monter. À l'exception de mon bébé, qui est expert dans le domaine des caresses et de la tendresse, Pierrot Leblanc. À chaque fois, il me plonge dans le monde des sentiments. Il me dresse dans le vrai sens du bonheur, Pierrot Leblanc. À ça, la femme, pour les années, maman, ça, la gueule, ça, la maman, la maman, la maman. Pour les matins, pour satisfaire, la maman, petit besoin, la maman, nous sommes. Atana le vida piste na zara tana ngana fote te Kola la nekine kubano kubano kano kia finanga Eh, tiens toi bien mon bébé L'amour te ressent, Pierrot Leblanc tu es à moi Mado Kitoko na China Président Foulé Yannick Moutimo na Prestige Rasta Pema l'amour, je t'y prends là Jamais à la fatigue, l'amour salva Danzo Chibombe, Roger Mbimba et Bailly. Mélange à ces ménages, les salibres qui battent à votre minda. Dieu est l'angara, chérie, salibon, il est Alain Boïka. Papi, t'as fini ma chérie, la mort, on le colère, on peut les sous-souter. Chérie, n'a pas de côté, les gars, on met terre, on va tout qui ça. La démarche, on dirait un poisson qui nage dans la mer. Goudard, mon témoin. Mon amour, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis mis à ta papier. Poisson, là, toujours l'attitude derrière, j'en ai eu bébé. Bébé, ce que je voulais, je me bats à la caille, mon délo. Aïe, bah, cavalerie, la basse, gâte, souga, sa bébé, c'est un goût. Tati, gana. Cassis, ça qui te fanit, la chérie, n'a pas de la ganga. Olivier Bila. Cassis, ça qui te fanit, la chérie, n'a pas de la ganga. Voyez, vive, allez, rabouli. Mon amour, l'île, la tendresse. Oh chérie, oh yeko l'amour na université ni nango. Papi Ozuma, est-ce que t'as la faculté d'amour, ton domaine à tendresse, pour balus total la tête, pour les kilos ton endurance mon bébé. Papi tu vas toujours en, la luce à mon amour, ok toi chérie nanga. Quelle balance, il y a combien? Et toi, Pierrot Leblanc, quelle balance, par ce qu'il y a ma physique, la belle amitié, la qui casse le nez, la qui est ici, la belle amitié, la qui est à mes mingas, une poussana qui tape, katoutou, katoutou, hein, balousa mon amour, katoutou, katoutou, hein, j'ai monté, y'a eu, ce qui a 5 bisous, un temps à pécer, calé, ok, toi, Pierrot Leblanc, quelle balance, par ce qui a 5 2, un temps à pécer, 3, ce qui. Soki, a sengi tendresse, entana pesi love. Soki a sengi master, entana pesi caresse. Soki a lobi oui, ngape toujours oui. Soki a lobi non, ngape toujours oui. Soki, que toi Pierrot Leblanc, quelle est balance pas. T'as toujours du tout un. Sandra Kazari. Mandi la terre m'entendre. Chantal Loema. Azali, te moto dimi sana kololo na motema. Azali, te moto sali sana connaissance na l'amour. Azali, te. Dadi Bilé, les kamikazes Japon. Yere ou le blanc, Azali, te. Tati le blanc, la femme comblée. Napoli di Pema. Azalite, ombre misa na luna na mabanga. Ma fille a disque. Azalite, ombre misa na mai na desert. Azalite, mo dosa lisa na connaissance na l'amour. Azalite, mo tchanga na circuit à sentiment. Azalite. Chantal, tout ma disquette non piratée. Quero le blan, Azalite. Pichalina y papa. Inangoranga, inangoranga, inangoranga. Défenseur à Souka Tiki couloir. Filo resto filo. Garde corps à Souka Bouaki Mandoki. On peut couper la Nangoulé. Agisanga Zeluna Kogika. Ville Moussini. Agisanga Zigana Kogika. Clément Moubenga. Agisanga Ziga Julien Zalata. Tessanga Dresamouana Zambé. Agisanga Zeluna Kogika. Jules Massoua. La raison de la colita. Jean-Jean Galula. Défenseur à Souka Tiki couloir. Obuli Yundela. Garde corps à Souka Waki Mandouki. Aïe. Bibi Soumoudinga. Azalite. Azalite. Moya Koka Nilayo. Bisous Boutoni. Azali tomo to sanga na circuit ya sentiment. Azali tomo to misaka folalo na motema. Azali te tendre se banga impona yo. Lance mon bondo. Azali te. Quiero le blanc Azali te. La belle China. Quiero le blanc Azali te. Charlize. Quiero le blanc Azali te. Katine Gonzile. Azali te. Oh darling, Deborah Nawais, Hakim Prince de Lausanne, Mike Moses, Belinda Mondo.